Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. On va parler de baseball avec notre ami Frédéric Deck. Comment il a vécu ces dernières journées? Salut Fred! Salut Danny! Comment tu as trouvé ces dernières journées? On savait la semaine dernière que ça allait être comme ça, mais finalement, écoute, moi je trouve que je l'ai fait. J'ai fait mon commentaire, c'est une grosse pièce de théâtre. Bon, on a écrit beaucoup. Ouais. Sans vouloir dire grand-chose. Ouais. On a encore beaucoup de questions sans réponse. On ne sait pas où l'équipe jouerait ses matchs éliminatoires. Ça serait quoi le partage? C'est quoi les couleurs de l'équipe? Est-ce que l'équipe va avoir un nouveau nom? Ça va être les Rays de Tampa momentanément à Montréal. On ne sait pas. Et hier, ce que j'ai trouvé d'intéressant avec la conférence de Steven Bronfman et Pierre Boivin, c'est que bon, on avait plus de réponses pour le marché de Montréal, mais sans en avoir beaucoup plus que ce que Sternberg avait dit la veille. Ouais. Fait que c'est un. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est ça. C'est mon opinion là. Moi, je pense que c'est une grosse pièce de théâtre. Les Rays n'étaient pas capables de trouver du financement pour un stade pour une équipe à temps plein, à tempo. Ouais. Ils sont pas plus capables d'en trouver pour une équipe à temps partiel. Puis le maire de Saint-Pétersbourg a déjà dit, ben nous autres, on est toujours prêts à faire affaire avec les Rays, mais demandez-nous pas de financement public pour un stade pour 40 matchs. Nous autres, on va travailler avec une équipe qui joue ici 81 matchs. Fait que là, en partant de là, il faut que ça soit, comme tu le dis, une pièce de théâtre. C'est le premier jalon qui va mener au départ des Rays de la région de Tampa. Selon moi, c'est mon opinion. Ben, on a entendu, Frédéric, les commentaires, puis moi, je les ai lus parce que malheureusement, je comprends pas l'anglais, mais je suis allé voir les tailbacks de la station WDEA, qui est la station des Rays en passant. Et toi, oui. t'as eu la chance d'écouter la ligne ouverte. Des lignes ouvertes. Les gens sont furieux. C'est exactement les mêmes commentaires qu'on a au Québec, mais à Tampa. Ah, c'est plus virulent à Tampa. Ouais. Parce qu'au Québec, on gagne 40 matchs. À Tampa, ils en perdent 41. Ouais, mais je veux dire, les gens veulent rien savoir de la guerre partagée. Ben, au Québec, c'est pas si clair. Non, mais je te parle de Tampa. À Tampa, non. Hey, à Tampa, c'est les réseaux sociaux. Il y a déjà des boycotts, des matchs, des Rays là, qui reviennent à domicile en fin de semaine, si je me trompe pas. Là. Okay. Il y a déjà des gens qui organisent des boycotts pour ces matchs-là. Là. Il y a des gens qui sont en train... Les Rays sont en train de se mettre à dos une grande partie du peu de partisans qui leur restent à Saint-Pétersbourg présentement. Et tu penses pas que Sternberg le savait en faisant ça? Il est pas fou, là. Il est pas fou à taper ce gars-là. Là. Ben oui. C'est pas... Le gars est diplômé de Harvard. C'est un milliardaire qui a fait de l'argent dans la haute finance. Il travaille pour Goldman Sachs. Goldman Sachs n'engage pas des idiots, là. Ouais. Ce gars-là est brillant. Il sait exactement ce qu'il fait. Et en public, il dit ce qu'il doit dire, il fait ce qu'il doit faire, mais son objectif est clair, selon moi. Toujours, ça reste de l'opinion. Moi, je pense qu'il veut sortir de ce marché-là. Et cette proposition de ville sœur, de ville d'équipe partagée, je pense que c'est le premier pas vers le départ officiel du club. J'écoutais Martin Leclerc ce matin au 91.9, Frédéric Jouat, lui, il dit, j'ai quitté la conférence de presse, je suis convaincu que les actionnaires majoritaires qui veulent le retour du baseball sont même pas convaincus d'investir 2 milliards de dollars à Montréal, que le marché en vaut la peine et ainsi de suite. Est-ce que tu partages son opinion? Absolument pas. Ces gens-là, ouais. Les Bronfman, les Garber, les Alain Bouchard, les Stéphane Crétier, les Éric Boyko ont à cœur Montréal et le Québec. Ils ont toujours les moyens d'investir. Présentement, c'est leur porte d'entrée. Et ils jouent le jeu, là, le baseball majeur, pour une première fois, là, de façon officielle. Là. Mm. Probablement depuis 2000. Mm. À Montréal dans sa ligne de mire. Là. À Montréal comme marché potentiel. Mm. Tu sais, parce qu'en 2000, 2001, 2002, 2003, là, pour le Montréal, c'était un boulet pour Major League Baseball. Là. Là, c'est la première fois là, qu'on identifie Montréal comme un vrai marché. Eux autres, je pense, jouent le jeu de Sternberg ou sautent sur cette occasion d'obtenir du baseball professionnel à Montréal, peut-être pour des demi-saisons au départ. Éventuellement, cette équipe-là ne restera pas à Saint-Pétersbourg pour des demi-saisons. Ben non. Puis tout le monde l'a sait, ça, effectivement. Effectivement. Fred, je veux t'emmener sur le commentaire maintenant. Je veux avoir ton opinion sur les Expos, les Nationals qui vont jouer le match du 6 juillet avec les uniformes des Expos. Comment tu as trouvé ça en tant que partisan des Expos? Moi, je trouve ça cute. Je trouve ça opportuniste. Si on avait vraiment voulu honorer la mémoire de l'équipe, dans le fond, parce que l'organisation des Nationals, c'est des Expos, là. Ouais. Officiellement, les records appartiennent aux Nationals maintenant. Si on avait voulu faire ça, on n'aurait pas permis à des joueurs d'utiliser les numéros retirés de l'équipe. Mmh. Et puis, ils seraient affichés, ils seraient encore retirés avec les Nationals. On l'aurait fait avant. Ouais. Pourquoi? OK, bon. Ben, c'est le 50e. Pour arrêter de tourner. Ouais, mais il y a eu le 40e. Ouais. Puis il y a eu le 45e. Puis, tu sais, ils ont eu bien des occasions de rendre hommage aux Expos, là. Tu sais, Gary Carter est décédé, je me souviens pas que les Nationals lui aient rendu hommage. Ouais. Mais est-ce que le fait que Montréal revient dans le giron du baseball, ça a un lien? Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que ça contribue à mousser Montréal là, dans les médias américains et dans l'opinion publique et tout ça. Je pense que ça fait partie d'un tout. OK. Fred, un gros merci. Au plaisir de se reparler quand l'actualité va l'exiger. Absolument, merci. Le